Section 38 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Deuxième partie, chapitre 7. Georges était avocat, depuis les pieds jusqu'à la tête. Avocat dans l'idée, dans la parole, dans l'accent, dans le geste, dans l'attitude. Toutes les rubriques de la rhétorique lui étaient familières, et il les pratiquait avec tant d'aisance que ce qui était un effet de l'art paraissait chez lui parfaitement naturel. Lorsqu'il vit l'intérêt de Charlotte suffisamment surexcité, il se décida enfin à dire ce qu'il avait si longuement différé, semblant se perdre dans des idées incidentes, alors que précisément au contraire, il suivait rigoureusement la route qu'il s'était tracée. Elle était en face de lui, tremblante, les yeux attachés sur les siens, suspendue à ses lèvres. « Je vous ai dit, commença-t-il, que c'est il y a 4 ans qu'on m'a révélé un fait concernant Emmanuel, et par conséquent vous concernant aussi, ce fait de la plus haute gravité. Voici dans quelles circonstances. Je ne sais si depuis votre mariage, Narbanton vous a parlé de ses années de jeunesse. Je ne désire pas savoir ce que mon mari a pu faire à cette époque. Et ce n'est pas cela non plus que je veux vous dire. Je veux seulement vous demander s'il vous a nommé quelques-uns de ceux qui étaient alors ses camarades et ses amis. Ainsi, Fargeau. Un médecin, n'est-ce pas ? Précisément. Quand nous faisions notre droit, il faisait sa médecine. Et nous étions tous trois inséparables. Fargeau, après de remarquables études, s'est révélé, en ces dernières années, comme un des jeunes médecins auxquels le plus bel avenir est réservé. Ses travaux sur la physiologie expérimentale sont connus du monde savant, et ses recherches sur les fonctions du cerveau sont célèbres. Si j'insiste ainsi sur les mérites de Fargeau, c'est pour que vous compreniez quel cas il faut faire de ses paroles. Donc, il y a 4 ans, le hasard me fait rencontrer Fargeau, que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois. Nous causons comme deux camarades, et nous venons à parler de mes anciens amis, notamment de Narbanton. C'était quelque temps après mon retour de Bretagne. Je lui dis que j'ai laissé Narbanton, dans le Morbihan, en train de devenir mon cousin par son mariage avec ma cousine. Vous suivez la marche de mon récit, n'est-ce pas? Et vous voyez comment les choses se sont présentées. Si je vous suis... Je voudrais ménager votre émotion, mais je me crois obligé d'entrer dans les détails les plus précis. N'ayez pas souci de mon émotion, je vous remercie de ces détails. Je pouvais d'autant mieux parler de ce mariage que dans une lettre reçue quelques semaines auparavant, Emmanuel m'annonçait qu'il était d'accord avec mon oncle et qu'il venait d'obtenir votre consentement. C'était même pour m'annoncer cette bonne nouvelle, je dis bonne en me plaçant à son point de vue, qu'il m'avait écrit cette lettre. À cet endroit de son récit, Georges s'arrêta un moment. Depuis quelques instants, il parlait plus lentement, comme si les mots lui venaient avec difficulté, mais bientôt il continua. Au mot « mariage », mon ami Fargeau me regarda dans les yeux. « Tu aimes cette cousine ?» me dit-il. Il me demandait si je vous aimais. « Tu aimes ton oncle » continua-t-il. « Eh bien, il faut empêcher ce mariage. » Fargeau, je ne sais si je vous l'ai dit, est une nature sérieuse, qui ne parle jamais à la légère. La façon dont il me dit qu'il fallait empêcher ce mariage me glaça. « Et pourquoi donc ? » lui dis-je. « Oui, pourquoi ? » s'écria Charlotte, incapable de retenir cette exclamation. « C'est ici, ma cousine, qu'il faut faire appel à tout votre courage. »« Parlez !» Elle était pâle, comme le mouchoir qu'elle tenait à sa main, mais dans ses yeux on lisait la force et la résolution. Georges, après l'avoir regardée durant quelques secondes, les mains levées et frémissantes, les yeux émus, reprit son récit. « Pourquoi ma cousine ne doit-elle pas épouser notre ami ? » demandai-je à Fargeau. « Sais-tu contre lui quelque chose qui soit assez grave pour empêcher ce mariage ?»« Contre lui, non, me dit-il. Mais contre sa famille, oui. Sa mère est morte folle. Elle s'est noyée dans un étang en Bourgogne. « Mon Dieu ! » s'écria Charlotte. Georges se tut, et pendant longtemps, il tint ses yeux baissés sur le tapis, évitant même de regarder Charlotte. « Voilà cette affreuse vérité, » dit-il enfin d'une voix sourde. « Affreuse ! Maintenant, vous devez vous demander comment j'ai attendu jusqu'à ce jour pour vous la révéler. Je vous ai déjà répondu sur ce point. Le soir même de ma conversation avec Fargeau, je partis pour la crique. J'espérais arriver à temps pour faire rompre ce mariage. Oui, Charlotte, le faire rompre. Évidemment, mon oncle, avec ses connaissances physiologiques, n'aurait pas permis que sa fille épousât un homme dont la mère était morte folle. Malheureusement, j'arrivais trop tard, et du même coup j'appris votre mariage, la mort de mon oncle et votre départ. Les mâts de votre yacht étaient encore visibles dans la direction de Belle-Île, et si vos yeux s'étaient tournés vers la maison que vous veniez de quitter, vous auriez peut-être pu m'apercevoir. Mais à quoi bon, puisque l'irréparable était accompli? Vous étiez mariée. Ah, vous vous êtes mariée bien vite, trop vite, Charlotte. » Elle leva la main vers lui, mais il ne la laissa point parler. « Ce n'est pas un reproche, » dit-il vivement. « Je n'ai pas le droit de vous en faire. C'est seulement un regret pour vous. Et en même temps, c'est une surprise pour moi. Car enfin, par cette rupture de notre mariage, je n'avais pas cessé d'être votre cousin, d'être votre ami. Et il semble qu'on aurait pu me faire savoir votre mariage d'abord, la mort de mon oncle, ensuite. Je pensais qu'on vous avait écrit. Il est vrai, mais trop tard, car c'est à mon retour à Paris que j'ai trouvé une lettre d'Emmanuel m'annonçant ces de terribles nouvelles. Certes, je n'aurais pas assisté à votre mariage, et je comprends que personne n'ait pensé à m'y convier. Mais l'enterrement de mon oncle, avait-on le droit de m'en exclure? Moi, son neveu, moi, son fils. » Il s'établit encore un long silence entre eux. Georges se leva et marcha dans le salon, regardant Charlotte immobile sur sa chaise. « Combien j'ai pensé à vous, » dit-il en revenant vers elle. « Où étiez-vous? Je n'en savais rien, mais mon esprit, mon cœur inquiet vous suivaient. Que faisiez-vous? Je vous voyais sur votre navire, ramenant en France un malheureux devenu fou au milieu de vos voyages dans quelque pays barbare où vous n'aviez pas un médecin pour vous venir en aide, ou bien je vous voyais tenant dans vos bras un pauvre petit enfant, votre fils, Charlotte, mais aussi celui d'un infortuné qui ne peut transmettre sa vie à un enfant qu'avec le germe de l'horrible maladie qu'il a lui-même reçue de sa mère. » Charlotte frissonna. « Grâce à Dieu, continua Georges, rien de tout cela ne s'est réalisé. Vous ne sauriez croire quelle a été ma joie en rencontrant hier Emmanuel, solide, fort, en bonne santé comme à l'ordinaire, et quand il m'a dit que vous n'aviez pas d'enfant, pas d'enfant. » Sous le regard qu'elle sentait peser sur elle, elle détourna la tête, confuse, suffoquée. « Je suis bien certain, dit-il, que si des curieux ont eu la fantaisie de nous examiner à ce moment, ils ont dû croire que celui qui devait devenir fou, c'était moi. » Jusque-là, Charlotte avait subi sans répliquer ces paroles qui tombaient sur elle comme des coups de marteau frappant de plus en plus fort. Elle tenta enfin de se défendre. « Il me semble, dit-elle, qu'on ne devient pas nécessairement fou par cela seul qu'on a eu des fous parmi ses parents. » « Sans doute, et la folie n'est pas fatalement héréditaire. Parce que la mère de Narbanton est morte folle, il ne s'ensuit pas qu'il doit quand même devenir fou, et qu'il ne peut avoir que des enfants fous. Personne n'a jamais soutenu cette règle, dans ses termes absolus. Alors, loin de moi la pensée de vouloir vous ôter l'espérance. Croyez que Narbanton ne deviendra jamais fou, c'est bien. Mais d'un autre côté, cependant, tenez-vous pour averti qu'il peut le devenir. » Et que ses enfants aussi peuvent recevoir de lui le vice qu'il a lui-même reçu de ses parents. La règle, en ce triste sujet, est que les principales variétés de maladies mentales sont transmissibles. La règle? Qui a établi cette règle absolue? La science basée sur l'expérience. Vous devez bien penser, ma chère Charlotte, qu'après avoir appris de la bouche de Fargeau cette douloureuse révélation, je ne m'en suis pas tenue là. J'ai voulu savoir, d'une façon précise, quel danger vous menaçait. J'ai interrogé Fargeau, qui a une grande autorité en cette matière, et depuis j'ai lu les principaux ouvrages qui traitent de l'hérédité des maladies mentales. Quelques auteurs, je veux commencer par vous le dire, croient que la folie n'a pas toujours et nécessairement son foyer dans une altération des organes, mais qu'elle consiste simplement dans l'aberration de l'entendement. Charlotte écoutait de toutes les forces de son attention et de son intelligence, mais elle ne comprenait pas très bien cette langue nouvelle pour elle. « Cela revient à dire, continua Georges, voyant son anxiété, que la folie n'est pas héréditaire. Elle est la perte de la liberté morale. Elle ne dépend jamais d'une cause physique. Elle est une maladie de l'esprit, non du corps. Vous voyez bien. Je vois que si cette théorie était juste, vous n'aurez rien à craindre, ni pour Emmanuel, ni pour vos enfants, quand vous en aurez. Mais il faut dire que ce système n'a aucune autorité aujourd'hui, et que la science, au contraire, est pour l'hérédité de la folie. par cette raison qu'elle est toujours un état morbide des organes. Or, toute partie de l'organisme étant transmissible, il s'ensuit que l'hérédité des affections mentales est la règle. L'aliénation est, comme toutes les autres, une maladie physique. Ce qui est mental en elle, c'est l'effet, et ce n'est pas la cause. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Que trop, hélas ! Je voudrais m'expliquer plus clairement, mais je ne le peux faire que par des exemples. L'expérience a prouvé qu'il y a des familles dont les membres sont tous attaqués de folie, qui se déclarent au même âge, dans les générations successives. Dans une famille, le père, la mère et le petit-fils se sont suicidés à 50 ans. Dans une autre, une femme devient folle à 25 ans après une couche, et sa fille devient folle à 25 ans après une couche. Les exemples sont innombrables. À quel âge la mère d'Emmanuel s'est-elle jetée dans son étang ? Elle est morte à 34 ou 35 ans, je ne sais au juste, Emmanuel ne parlant jamais de sa mère. Et Emmanuel a maintenant 33 ans. Vous m'épouvantez ! Je veux vous avertir, il est très possible qu'il n'ait pas reçu cet héritage fatal. Mais enfin, il est possible aussi qu'il l'ait reçu. Alors, que faut-il faire ? C'est ce que nous allons examiner, si vous le voulez bien. Comment cela ? En répondant franchement à toutes les questions que je vais vous poser. Parlez. Fin de la section 38.